corps, à ton corps. Envoie-moi le truc. Yeah. À peine sorti, on pense qu'à se refaire dans un gros fer. Avoir les bons tarots pour pouvoir faire de bonnes affaires. Et ouais, mon frère, welcome to jungle. Bienvenue dans la jungle, marche ou crève, rayon, ferme ta gueule. Wesh, ma gueule, tu sais comment ça se passe. On peut se refaire sur un coup et se faire crever sur une passe. Trop de pigeons compteurs, j'ai du mal à m'en rendre compte. Je me rends compte que la vie se fait sur les bonnes rencontres. Le cœur est bon, mais l'instinct est animal. Le mal par le mal, on se réanime en faisant le mal. On est des sales gosses avec des flingues de cowboy qui se butent dans les bars pour des histoires de pilons et de genre. La loyauté n'a plus de rigueur. La cicatrice aussi les mœurs, mais j'ai toujours mes envies de meurtre. Le cœur est meurtri, on se cache derrière un sourire qui sert de rempart. Car on n'était pas tous au départ, Inch'Allah pour l'arrivée. On passe de la larme à l'arme pour y arriver. On choisira nos armes, notre âme et conscience. Conscient que malheureusement, on est tous un peu inconscients. On connaît les consignes, en tant que mauvais signe. Je te parle pas des cons qui signent comme un battement de cils. J'ai pas la larme à l'œil pour Sky ou Laurent Boulot. L'esprit du rap est mort, on fait quand même le boulot. Je m'en bats les douilles, les couilles. Étonné de rien, j'en plus les couilles. Pour le coup, on sait qui rendra les coups. Mélange pas le business avec l'amitié. Il me faut du cash, frère, je préfère faire envie que pitié. Ghetto Blaster pour les arts All-Star. Y'a pas de hasard quand on pèse, c'est pas par hasard. On vit nos textes en réel, système parallèle. Le buffet sale ray comme une chape parallèle. Ray, je veux ma part, tu sais d'où ça part. Je rappe comme je parle, car la plupart des plus parlent. Ça pour plus tard. La punchline n'a pas tardé. Que les forts ramassent leur cul par terre. Dans mon mic, c'est le pif du terre-terre. Y'a pas de guerre, c'est la guerre. Où nique ta mère. Du seum dans les gènes, même à jeun. Tant pis si ça gêne. Du sale pour mes rays. Ouais, c'est ça que j'aime. Trop de haine, trop de peine. Welcome to HLM. Là où on filoche la recette de chez H&M. Welcome to my hood. J'rappe réellement. Dans mon mic, ray, j'représente sereinement. En tout cas, Oh my God.